Il n'y a que l'amour qui peut sauver le monde. Et non pas chaque jour, les peines, les chaînes qui traînent ici-bas. À force de s'aimer, on finit par trouver le chemin de la vérité. Laisse les cœurs à force de vouloir, ni défaite ni gloire, on finit par changer l'histoire. J'ai trop pleuré en regardant les enfants mourir pour une idée ou pour qu'un fou bâtisse un empire. J'ai trop souffert de voir brûler des forêts entières, des champs de blé, laissant à la terre tant de misère injustifiée. Il n'y a que l'amour qui peut sauver les mondes. Ou bien c'est la détresse, de gestes funestes, de gestes de mort. Il faut tant d'innocents pour faire un conquérant, qu'il vaut mieux s'en passer longtemps.